Unité 5, entraînement au DELF A1, compréhension de l'oral. Exercice 1. Chers auditeurs de Radio Trafic, vous qui êtes sur la route des vacances, nous vous informons de risques de bouchons sur la A7 en direction de Lyon à cause de travaux à partir de 14h.